À matin, on est dans le crunch, là, parce qu'on l'a à Québec. Écoutez-moi bien, là, je vais vous écouter, promis, là. 670-9330. La musulmane qui, à matin, est en poste, agente de sécurité, gouvernement du Québec, ici, dans notre ville, là, elle est voilée. Qu'est-ce que ça vous fait? Répondez-moi, là. Ça vous enlève quoi? Ou ça vous heurte? Ça vous dérange en quoi? Évidemment, je vais préciser un peu ma question, là. Si elle avait demandé à ce qu'il y ait de la bouffe halal pour elle à la cafétéria, je suis dans votre camp, no way! Tu t'arranges, amène ton lunch. Si tu veux pas manger comme les autres, bien, je respecte ça. Elle a pas fait ça. Je me suis renseigné, il y a eu aucune demande de bouffe halal. Elle a pas demandé un congé de plus, je me suis renseigné. Elle a pas dit, moi, Ramadan, là, je crisse mon camp. Puis vous autres, les autres travaillez, moi, je suis musulmane. Elle a pas demandé un congé de plus. Sinon, il y en a qui le font, là. Il y a des musulmans intégristes, extrémistes, qui demandent des congés de plus. La charte ne réglera rien. Il va en avoir encore. Savez-vous ça? Puis ça, moi, ça m'écœure. Mais elle l'a pas fait. Elle a pas demandé de bouffe spéciale. Moi, je compte ça. Elle n'a pas demandé un congé de plus. Elle n'a pas demandé de prier plus. Elle n'a pas non plus dit, désormais, s'il y a un gars qui arrive, puis qu'il est tout croche, moi, j'interviens pas, là. Je suis agent de sécurité, mais j'ai pas le droit de toucher le bras d'un homme. Fait que s'il y a un gars qui arrive ici avec un bat de baseball, moi, je me... Non! Ça a l'air, d'après les infos que j'ai, là, elle fait sa job exactement comme n'importe quel autre agent de sécurité. Mais écoutez-moi bien, on ne lui voit pas les cheveux et les oreilles. Y es-tu là, Drainville, le matin, là? Qu'est-ce que ça y fait, là? Pourquoi il va crisser dehors? Il y a dans ce bureau-là, probablement, des dizaines d'incompétents et d'incompétents. J'ai été généreux. Ils sont plus que 1000, là. Fait que, regarde, je suis gentil. Je vous donne tout compétent. Mettons, je pense qu'il va en avoir un peu plus qui se pognent le cul. Mais bon, eux autres, ils sont encore là. Qu'est-ce que ça vous fait? Pourquoi vous voulez la sacrer dehors? La neutralité de l'État. Mais l'État est encore neutre. Ça, c'est pas parce qu'il y a une fille qui cache ses oreilles. Comme agente de sécurité, elle a tout le kit. Elle a pas la burqa. Sinon, je sacrerai à la porte, moi, avec. Pas à la porte du gouvernement. À la porte du Québec. Moi, je suis encore plus extrême que Marois et Drainville contre les extrémistes musulmans. Je les mettrai à la porte du pays. Mais c'est pas ça qu'elle a, cette madame-là. Elle a juste... On voit la face bien comme faut. On ne lui voit pas les cheveux. Vous avez déjà vu, moi, des femmes porter des foulards. Des gars. Il y a des gars qui mettent ça. Pas trop normal. Ben oui. Les gars chauves, là, ils se mettent de quoi? Peut-être qu'un jour, ça va m'arriver, moi. Peut-être me mettre un foulard sur la tête un jour pour cacher ma calvitie. C'est mon choix, moi. Hey, la journée que tu rentres avec un hijab, là, on prend des photos. Il y en a du bon téléphone. Il y a des courageux, oui? Les bon, lignes parfait. Sont pleines. Je vous avertis, je vous respecte, là. Qu'est-ce que ça vous enlève dans votre vie? Jusqu'où ça vous heurte, là? Parce que là, on l'a, tu sais, depuis le début du débat sur la charte, ça, oh, les employés du gouvernement voilés, j'en ai jamais vu. Depuis la semaine passée, il y a des milliers de Québécois qui avouent. Elle est là, je la salue, je veux pas... Moi, c'est drôle, hein, si je rentrais dans ce bureau-là, je ferais l'inverse de vous autres. Il y en a qui veulent la crisser dehors, moi, j'irai voir. Ça doit pas être facile pour toi. Moi, je veux juste te dire en passant que si tu te demandes rien d'autre de plus que les autres, puis tu respectes ma religion, je respecte la tienne, bienvenue parmi nous. Et que puis, tu fais ta job comme n'importe quel autre, là, ouais, que tu fais pas d'exception ou quoi que ce c'est soit. C'est ça. Ben... Mais si tu ne demandes pas d'accommodement, ouais. Bienvenue dans la gang des cols rouges. On te voit pas. Ça. Je vois ta face, tes yeux, ton nez, gars, je communique avec toi, ça c'est dans mes valeurs. Et merci de participer à l'effort collectif de l'imposition québécoise. Là, ouais, ok. Gilles, bon matin. Oui, bonjour. Moi, c'est pas pour dire qu'il faudrait la mettre à la porte, puis je suis pas contre vous, là, mais c'est que là, elle est seule. Mais qu'est-ce qui va arriver lorsqu'ils vont être 5 ou 10, ils vont demander un lieu de prière, puis ça commence de même. Ça commence par une personne, puis ensuite qui est tranquille pour inciter à en engager d'autres. Votre point est bon. Hey, je vais répondre parce que j'aime ça, Gilles. Vous dites, moi, une, ça me dérange pas, mais si ça se multiplie et qu'ils font des. Mais là, il y a un et. Quand ils feront des demandes d'accommodement raisonnables, Gilles, comme par exemple, vous avez dit un lieu de prière, mettons, il y avait une salle sociale pour tout le monde, puis là, c'est rendu les musulmans qui se l'ont approprié. Ben là, on dira non, parce que la charte de Marois ne permettra pas de dire non à plein d'accommodements déraisonnables. Myriam Segal et moi, on est peut-être les deux seuls qui le disent depuis des semaines, là. Cette charte-là ne règle pas les vrais problèmes. Elle en crée des nouveaux. Alors, mais vous avez raison, si elle demande des choses pas correctes, ben tout ce que ça prend, c'est un boss qui a des couilles ostentatoires, puis qui disent non. Ben, il va être peut-être trop tard. En Angleterre puis en France, il se disait ça aussi, puis il est peut-être trop tard. C'est quand il y a, c'est un peu comme la mafia, elle s'insère tranquillement, puis une fois qu'elle est insérée, elle prend le contrôle, puis t'as des pays comme l'Italie puis la Sicile qui sont complètement corrompus. Ouais, mais là, attendez un petit peu. C'est qu'on les a laissés rentrer tranquillement, pas vite. Gilles, je fais une nuance. Dans la mafia, là, le moindre mafioso, là, son but, c'est d'enfreindre la loi. Attention, là, il y a des musulmans intégristes qui font des demandes déraisonnables qu'il faut mettre au pas. Mais si c'est une musulmane, admettons, parce que là, vous partez d'un scénario qui est possible, puis moi, je dis qu'on est capable d'y mettre un frein. Je vous propose un autre scénario. La musulmane veut aller agente de sécurité au gouvernement. Je vous propose que c'est une madame comme moi. Moi, je suis un religieux. Moi, je suis un catholique. Je fais pas chier personne avec ça. Je n'écœure personne. Je demande rien. Je n'ai jamais rien demandé à mon boss avec ça. D'un coup, c'est une musulmane de main. Et tout d'un coup, c'est ça. Vous voulez encore la mettre dehors? D'un coup, c'est une bonne personne, là, hein? Et parce qu'on part toujours de l'hypothèse danger, musulman égale danger. Oui, il y en a. Je vous le donne, Gilles. Je l'ai assez dénoncé dans les dernières années. Je ne me contredis pas. Les intégristes sont dangereux. Mais d'un coup, c'est une musulmane correcte. On fait quoi? Regardez-moi, pour terminer, c'est que ça me dérange pas du tout le voile. J'ai voyagé énormément dans les pays arabes, puis en Indonésie, puis en Malaisie, puis ça me dérange pas du tout. Moi, c'est juste un questionnement. Je veux pas qu'on devienne comme certains autres pays là, qui ont... Il faut faire attention de... Puis ça, c'est l'immigration. Mais la solution, ce que vous dites, Gilles, c'est avoir une immigration mieux contrôlée et qu'on s'assure que les gens qui rentrent ici y acceptent nos valeurs et que ça ne soit pas des intégristes. Maintenant, répondez à ma question. Qu'est-ce que Marois et Drainville proposent dans leur charte pour mieux contrôler l'immigration? Absolument rien. D'ailleurs, voilà. Le Parti québécois, c'est une des causes. Ils se sont imaginés dans leur délire, là, ils se sont imaginés que les Arabes il serait pour la séparation, alors que c'est pas le cas. Il sent très bien que si le Québec est séparé, on va être encore plus près de la France. Je sais pas ça, les Arabes qui viennent ici, c'est parce qu'ils aiment pas la France. Sinon, ils auraient été en France plutôt que d'aller au Québec. Merci, Gilles. Ça, je sais pas, là. C'est ce qui m'est... Mais je sais qu'il faut bloquer la porte aux intégristes. Les autres, soyez bienvenus. Alors, je répète, on l'a d'en face ce matin. Vous êtes peut-être là-dedans. Je veux pas nommer à la place pour attirer Kodak sur elle, mais anyway, tous ceux qui l'ont vu, ils l'ont vu, là. Mais il y a une agente de sécurité voilée depuis quelques jours au gouvernement du Québec. Alors, pourquoi faut la mettre dehors? Si Drainville et Marois étaient au pouvoir majoritaire, elle serait kickée out un matin. Pourquoi? André, bon matin. Hey, bon matin, ça va bien? Yes, je vous écoute. Bon, moi, premièrement, je m'en fous comme la 40. Elle paye ses impôts, elle réussit de dénicher un emploi, puis regarde, puis concernant, c'est ça. Carrément, moi, je m'en sacre. Elle paye ses impôts, elle fait vivre le Québec, elle doit voter. CBS qui travaille pas, qui paye pas d'impôts. Moi, tant qu'à moi, il n'y aura pas de droit de voter. Je suis en maudit contre eux autres. C'est mon entreprise. On sépare les scènes en quatre. Les plus riches plus tard, là, les retraités, j'en veux pas à eux autres, là. Ça va être les fonctionnaires. Parce qu'il y a un plan de pension blindé, mais j'en veux pas à eux autres. Mais concernant ce que vous payez, que je vous parlais tantôt, que 42% des Québécois ne payent pas d'impôts. Les BS, quand ils en vont, les BS, on s'entend. Il y a des BS qui n'ont pas été chanceux dans leur vie. Eux autres, leur donneraient plus. Mais les BS qui sont paresseux, pourquoi est-ce qu'on diminue pas les impôts, mais tu augmentes la taxe provinciale? Eux autres, quand ils s'en vont s'acheter des produits, il faudrait qu'ils payent la taxe. C'est une bonne idée, André. Merci d'avoir appelé. C'est un autre sujet. Je veux pas trop dévier, mais il y a quelqu'un qui propose ça dans le journal, justement, matin. On baisse les impôts, mais on augmente un petit peu les taxes. Comme ça, on redonne l'argent dans les poches du monde, ceux qui veulent consommer plus, ou etc. Même le gars qui travaille au noir, la journée qui arrive pour acheter sa caisse de 24, il y a peut-être plus de taxes un peu. Mais il faut qu'il baisse les impôts. Par exemple, faut que ça soit égal, là. Samuel, bon matin. Oui, bonjour. Moi, je pense, dans le fond, que les Québécois, ils sont juste jaloux que des autres nationalités qui viennent par ici, parce que nous autres, notre mentalité, c'est faire le moins de travail pour le plus d'argent possible, puis avoir des conventions blindées. Tandis que eux autres, c'est de travailler le plus possible pour leur petit pain, puis ils sont vraiment travaillants, puis de leur enlever ça, dans le fond, de leur enlever le job, des choses comme ça, je pense que c'est pas la meilleure idée à faire. Moi, Samuel, mais vous avez tellement raison. Moi, là, la journée que ça va arriver, là, parce que là, si on se fie au sondage, vous savez que Drainville et Marois seront au pouvoir majoritaire dans trois, quatre mois. Ça veut dire que l'agente de sécurité voilée, qui est ici, là, au moment où je parle, elle est là, elle est devant son poste, dans un bureau du gouvernement du Québec depuis quelques temps, elle va se faire sacrer à pas. Et moi, je sais, parce que j'ai déjà posé la question, Samuel, et j'ai déjà enquêté, là, un employé congédié du gouvernement du Québec pour incompétence, dans les 30 dernières années, il y en a eu zéro. Roe. Je sais pourquoi ils le font pas, parce que c'est impossible. Ils sont tellement blindés avec le syndicat. Je veux pas me réveiller dans une société un matin où une fille, je vous le répète, admettons qu'elle demande aucun accommodement raisonnable. Elle veut pas de bouffe halal. Ça ne dérange pas de toucher à des hommes si dans sa job de sécurité, il faut qu'elle fouille quelqu'un. Elle demande pas de lieu de prière. Elle a pas demandé de congé de plus de Ramadan. Bref, c'est une musulmane correcte, respectueuse, mais on y voit pas les oreilles. Anyway, elle a déjà une calotte de sécurité, peut-être. Fait que son voile, là, la différence avec l'autre, mettons qu'il y a un autre gars, agent de sécurité, 300 livres, incompétent, funny, découragé, bête comme ses deux pieds, mais syndiqué full patch, lui va garder sa job, la musulmane de 25 ans, on va être crissé dehors parce qu'on voit pas ses oreilles. Parce que Marois pis Drainville savent qu'il y a assez de racistes au Québec, moi le dire, là, pour se faire élire avec ça. Ça va me décourager, mais tu vois. J'ai posé la question, je sais qu'il y a des pro-chats qui m'écoutent. J'ai pas encore eu un appel, pas un, qui m'a dit « Pourquoi vous la mettez dehors? » Elle, si elle a rien fait de mal, juste sur ses vêtements, c'est ça les fameuses valeurs québécoises. Ouais, mais ça m'écœure, moi, le voile. Mais ben des affaires qui m'écœurent dans les vêtements, je peux vous l'annoncer, moi. Puis je me parle, puis je tolère. Moi, c'était juste de moi, là, ma société, de mon petit moi délirant, égoïste, là. Mais des filles full tattoo, full piercing d'en face, comme j'ai vu il y a pas longtemps une caisse, la mettrait dehors. Mais non, je me parle. C'est pas de mes maudites affaires. On termine avec Christian. Bon matin. Salut Sylvain, t'as raison à 100%. Le monsieur qui a appelé, il y a à peu près trois monsieur qui disaient quand ils vont être rendus 5, 7, 10, etc., il a pas compris que le principe des chartes va s'appliquer en fonction de la démocratie. Fait que même si on met une charte, le jour où il va y avoir assez de personnes qu'on aime moins, qui vont se ramasser à l'Assemblée nationale, ben ils vont la changer, la charte. C'est complètement stupide. Il a utilisé l'argument démographique pour essayer de te contredire, mais en réalité, il t'a approuvé sans le vouloir. Puis moi, je pense que tu as raison, parce que la charte, effectivement, va créer beaucoup plus de problèmes qu'elle va en régler. Et même moi, personnellement, je pense que la charte de Pauline Marois est carrément un sociocide. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire le peu de tissu social qui nous reste dans la société. En tout cas, la chicane est poignée, ben content. Merci, Christian. 7h38, voilà. Pas pires amis, si vous voulez m'écrire, je suis...